بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة الفضلاء في تفسير سورة الأعلى. On continue donc, oh mes frères, dans l'exégèse de سورة الأعلى. Et on est certes arrivé à la parole d'Allah تبارك وتعالى. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. Certes, il connaît ce qui est apparent et ce qui est caché. Et nous allons certes te faciliter dans tes affaires. فَاللَّهُ تَعَالَى لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا كَثِيرًا. Et donc Allah Ta'ala, rien ne peut lui être caché sur terre et dans les cieux, comme nous l'avons vu plusieurs fois. On a déjà vu ça plusieurs fois dans le tafsir et plusieurs passages du Coran. فَأَنْتُمْ تُلَاحِظُونَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَرَّرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ كَثِيرًا. Et donc vous remarquez que ce sujet-là, le fait que Allah y connaît toutes choses, rien ne peut lui être caché, Allah l'a répété plusieurs fois dans son livre. Il a répété ce sujet plusieurs fois. Et cela nous montre l'importance de ce sujet. Fata'ammalu ayyuha al-ikhwa al-muslimuna ya'lamuna anna Allah ya'lamu sirrahum wa jahrahum. Méditez, mes frères. Les musulmans, ils savent que Allah connaît parfaitement ce qu'ils font et disent de façon apparente et de façon cachée. Allah, il connaît parfaitement cela. Les musulmans, ils le savent très bien. Taïb, voilà qui n'est sous elle. Hal al muslimun yajtanibun al ma'asi. La question, c'est est-ce que les musulmans, ils vont délaisser les péchés? Lil asaf al-kafir. Al-kafir. Gharikuna fi dhunub. Beaucoup, beaucoup sont noyés dans les péchés. Alors que tous les musulmans, ils savent que Allah tabaraka wa ta'ala voit parfaitement ce qu'ils font. De cacher, alors que dire des péchés que les musulmans ils font de façon apparente devant tout le monde? Encore pire. Wa hadha yadulluna ayyuha al-ikhwa ala annana nahtaj da'iman ila hadha at-tikrar hatta yathbuta fil qulub wa na'mal bih. Et ça nous montre, mes frères, que oui, nous avons besoin de cette répétition. Nous avons besoin qu'on nous répète et qu'on nous rappelle que Allah voit parfaitement, que Allah sait parfaitement tout ce qu'on fait, afin que ça s'affermisse dans le cœur et qu'on œuvre avec. Ce n'est pas pour rien que Allah l'a répété plusieurs fois dans son livre et qu'on le voit dans plusieurs sourates, dans beaucoup de passages du Coran. Nous avons besoin qu'on nous le répète, qu'on nous le répète encore et encore. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit « Wa nu yassiruka lil yusra » C'est-à-dire, nous allons te faciliter dans tes affaires. « Hada wa'adun min Allahi li rasulihi sallallahu alayhi wa sallam an takuna umuruhu muyassara » Et donc ça, c'est une promesse d'Allah faite à son prophète, son messager sallallahu alayhi wa sallam, que ses affaires soient facilitées. « Khassatan fi ta'atillahi azza wa jal » particulièrement dans l'obéissance à Allah. Donc ces affaires sont facilitées et particulièrement dans l'obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Ibn Kathir rahimahullah, il dit Aïe nusahilu alayka af'al al-khayr wa aqwalahu wa nashra'u laka shar'an sahlan samhan mustaqiman adlan la'wijaja fih wala haraja wala usr intaha. Ibn Kathir, il dit, c'est-à-dire que nous allons te faciliter dans l'accomplissement des actes de bien et les paroles et les bonnes paroles, et nous allons te légiférer, t'accorder une législation facilitée de rectitude juste qui n'a pas de défaut. une législation sans gêne ni difficulté. Fin de citation. Fin de citation. Et donc, mes frères, juste avant de continuer sur cette parole, dans le cours, je voudrais faire juste une petite parenthèse. On voit ici, dans cette parole d'Ibn Kathir, rahimahullah, le caractère parfait de cette législation. Allah Azza wa Jal a accordé à son prophète Mohammed, a accordé aux musulmans une législation parfaite, sans défaut. Sans défaut. Et ensuite, après cela, ils veulent faire dire aux musulmans que les lois des êtres humains sont au-dessus des lois d'Allah. Quelles ? Jamais. Jamais, abadan. Jamais vous ne trouverez un musulman dire que les lois des êtres humains sont au-dessus des lois d'Allah. وَمَنْ قَالَ هَذَا فَكَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ. Et celui qui prononce cette parole sort de l'islam. Là, il y a djouz. C'est pas permis. Intabihu. Faites attention. Maintenant, ils veulent mettre la pression aux musulmans. Ils veulent nous mettre la pression. Restez fermes. Restez forts. Ne déviez pas. N'allez pas faire plaisir aux gens à dire que les lois des êtres humains sont au-dessus des lois d'Allah. Jamais. Jamais. On revient dans le cours, barakallahu fikoum. Et donc, faites, dis-nous, yusrun ayyuh al-ikhwa. Et donc, la religion, elle est facilitée, oh mes frères. Wa ba'dun nas qad yajiduna ba'd al-umur sa'ba li da'fi imanihim wa li da'fi tawakkulihim. Et certaines personnes, il se peut qu'elles trouvent des choses qui sont difficiles, difficiles à faire dans la religion. Mais tout cela, c'est dû à la faiblesse de la foi. Et la faiblesse dans le tawakkul, le fait de mettre ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala. Fallahu ta'ala yassara hadha ad-din li nabiyyihi wa liman kana ala tariqatihi. Et donc Allah ta'ala, il a facilité cette religion à son prophète et à tous ceux qui suivent sa voie. La religion a des facilités. Allah Ta'ala qui nous dit فَمَنْ آمَنَ وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Celui qui a cru et qui a eu la crainte d'Allah. فَمَنْ آمَنَ وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَ. Et qui a cru à الْحُسْنَ, الْحُسْنَ le paradis. Celui qui a cru au paradis. Certains savants disent, celui qui a cru en toute la législation, en tout ce qui est bien, celui qui a cru au bien avec lequel est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors nous allons lui faciliter ses affaires. Nous allons lui faciliter dans ses affaires. إِذَنْ نَحْنُ إِنِ اتَّقَيْنَ اللَّهَ تَعَالَى فِي قُلُوبِنَا وَأَكْوَالِنَا وَأَعْمَالِنَا فَإِنَّهُ سَيُيَسِّرُ لَنَا أَعْمَلَ الْخَيْرِ. Et donc si nous craignons Allah dans nos paroles, dans nos cœurs, dans nos actes, Allah Ta'ala, il va nous faciliter les actes de bien. Il va te faciliter afin que tu accomplisses les actes des gens du paradis. Il va te faciliter dans ta religion, dans tes affaires. أيها الأخ الكريم أنت الآن تبحث وتسعى عن أسباب تعينك للسفر والرجوع إلى بلاد المسلمين هذا هو من أعظم الأسباب. Oh mon frère, aujourd'hui tu cherches, tu t'efforces de trouver une solution, des causes qui vont t'aider à retourner, à émigrer vers les pays musulmans. Voilà une des plus grandes causes. Voilà une des plus grandes causes. Le fait de craindre Allah tabaraka wa ta'ala, de croire en Allah azza wa jal et au jour de la résurrection. Tu crois au jour de la résurrection que tu seras rétribué, tu crois au paradis, à l'enfer, tu y crois fermement. Ce n'est pas juste dire j'y crois. Tu crains Allah tabaraka wa ta'ala. En ayant cela, Allah te facilite et t'ouvre les portes du bien. Te facilite ton émigration, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, Allah Azza wa Jal, il dit, toujours donc dans Surat Al-A'la, il dit, فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Alors, rappelle, fais le rappel, si le rappel est profitable. سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى. Celui qui craint va suivre le rappel. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. Et le plus malheureux va s'en éloigner, va délaisser le rappel. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala nous dit فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى. Alors fais le rappel si le rappel est profitable. قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَا إِنَّ الْمُرَادَ هُنَا فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى وَإِنْ لَمْ تَنْفَعْ فَذَكِّرْ عَلَى كُلِّ حَالِ. Certains savants nous disent ce qui est voulu ici, c'est fais le rappel si le rappel est profitable. Mais s'il n'est pas profitable, alors tu fais le rappel quand même. Tu fais le rappel dans tous les cas. Que les gens t'écoutent ou qu'ils ne t'écoutent pas, tu fais le rappel. لِأَنَّ الذِّكْرَ سَتَنْفَعُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Car le rappel sera profitable dans tous les cas. Dans tous les cas, le rappel est profitable. تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَتَنْفَعُ الْمُذَكِّرِ. Le rappel est profitable aux croyants. Il est profitable à celui qui fait le rappel lui-même. Lui-même, il en profite du rappel. أَمَّا مَنْ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالذِّكْرِ فَلَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْمُذَكِّرِ شَيْئًا. En ce qui concerne celui qui ne suit pas le rappel, qui n'accepte pas le rappel, alors lui, il ne va pas diminuer de la récompense de celui qui a fait le rappel. Il ne va rien diminuer. Et donc, dans tous les cas, fais le rappel. Si le rappel est profitable, dans tous les cas, tu le fais tout le temps, parce que le rappel est tout le temps profitable. Parce que le rappel est tout le temps profitable. Ce n'est pas parce que les gens ne t'écoutent pas que ça veut dire que ce n'est pas profitable. وَقَالَ أَخَرُونَ بَلْ التَّذْكِيرُ إِنْ ظَنَّ أَنَّ الذِّكْرَ سَتَنْفَعْ. Et d'autres savants, ils nous disent, non, le rappel, il se fait lorsque l'individu, lorsque celui qui fait le rappel, il pense que le rappel sera profitable. Il pense que le rappel sera profitable, que les gens vont écouter. وَهَذَا مِنَ الْأَدَبِ مَعَ الْعِلْمِ. Et ça, ça fait partie du bon comportement avec la science. Du bon comportement avec la science. قال ابن كثير رحمه الله أي فذكر حيث تنفع التذكرة ومنها هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم فلا يضعه عند غير أهله كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم وقال حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله انتهى. Ibn Kathir, il nous dit, rahimahullah, il nous dit ce qui est voulu ici dans ce verset, c'est-à-dire fais le rappel lorsque celui-ci est profitable. Et c'est là qu'on tire le respect dans la propagation de la science, afin de ne pas la donner à ceux qui ne la méritent pas. Comme Amir al-Mu'minin, comme le prince des croyants Ali, radiallahu anhu, a dit, ne parle pas. Comme il a dit, tu ne parleras pas à des gens d'une chose que leur raison ne supporte pas, qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre, sans que ce soit une fitna pour eux. Tu ne parleras pas à des gens de quelque chose, tu ne parleras à des gens de quelque chose qu'ils ne supportent pas, qu'ils n'ont pas la capacité de comprendre, sans que ce soit une fitna pour eux, à chaque fois. Tu vas leur parler de quelque chose qu'ils ne comprennent pas, ça sera une fitna pour eux. Et il dit aussi à Ali ibn Abi Talib ibn radiallahu anhu, dites aux gens ce qu'ils comprennent. Meyarifoun, c'est-à-dire Meyefhamoun. Dites aux gens ce qu'ils comprennent. Voulez-vous que la parole d'Allah et de son messager soit démentie? Voulez-vous que la parole d'Allah et de son messager soit démentie? Lorsque tu vas dire aux gens quelque chose qu'ils ne comprennent pas, et que c'est la parole d'Allah, c'est la parole du messager, Et que les gens disent non. Ils vont démentir parce qu'ils n'ont pas compris. Et donc c'est ça, c'est là qu'on voit être tadar rouge, le fait d'y aller par étapes, petit à petit dans l'enseignement, dans la propagation de la science. وقال بعض أهل العلم إن المرأة إن ظن أن التذكرة تنفع فيجب عليه التذكير وإن ظن أنها لا تنفع فهو مخير. Et d'autres savants, ils disent que l'individu, s'il pense que le rappel est profitable, alors il lui est obligatoire de faire le rappel. Il lui est obligatoire de faire le rappel. Mais par contre, s'il pense que ça ne sera pas profitable, les gens ne vont pas écouter, alors à ce moment-là, il a le choix. Il a le choix de faire le rappel ou pas. Wa qala al-'allama Ibn al-Uthaymeen rahimahullah. Walakin 'ala kulli hal naqul لا بد من التذكير حتى وإن ظننت أنها لا تنفع فإنها سوف تنفعك أنت وسوف يعلم الناس أن هذا الشيء الذي ذكرت عنه إما واجب وإما حرام وإن سكت والناس يفعلون المحرم قال الناس لو كان هذا محرما لذكر به العلماء أو لو كان هذا واجبا لذكر به العلماء فلا بد من التذكير ولا بد من نشر الشريعة سواء نفعت أم لم تنفع انتهى. Le très savant Ibn al-Uthaymeen rahimahullah, il nous dit, dans tous les cas, nous disons, il est impératif de faire le rappel, même si tu penses que celui-ci n'est pas profitable. Car, dans tous les cas, le rappel te sera profitable à toi. Et les gens sauront que cette chose dont tu as abordé, dont tu as fait le rappel, est obligatoire ou interdite. Lorsque tu fais le rappel, les gens, ils sauront. Après, il se peut qu'ils ne t'écoutent pas, mais au moins, ils sauront que c'est interdit ou c'est obligatoire. Mais si tu te tais et que les gens font quelque chose d'interdit, alors les gens diront, si cette chose était interdite, les ulémas en auraient fait leur appel. Les ulémas en auraient parlé. Ou alors, ils diront, si cette chose était obligatoire, les ulémas, les savants, en auraient parlé. Et donc, il est obligatoire, il est impératif de faire leur appel et de propager la sharia, de propager la législation, même si cela n'est pas profitable. Car dans tous les cas, c'est profitable. Et donc, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, il donc penche vers l'avis que ce qui est voulu dans ce verset, c'est qu'il faut dans tous les cas faire le rappel. Et c'est ça qui est sahih. Et c'est ça qui est correct. Il est obligatoire de montrer aux gens la vérité. On n'a pas le droit de se taire. On n'a pas le droit de se taire. Allah Azza wa Jal, il a dit à son messager, « Qum fa'anvir, lève-toi et mets en garde. » Averti. Combien ont cru? Au début, c'était difficile, très difficile. Les gens ont essayé de le tuer. Mais il a fait le rappel, sallallahu alayhi wa sallam. Le rappel est obligatoire. Tu ne peux pas voir les gens dans le péché et tu te tais, tu restes silencieux. Wa qad yufhamu min hadhihi al-aya ikhtiyaru al-waqt al-munasib lit-tadhkir. Et il se peut qu'on comprenne de ce verset le fait de choisir le bon moment pour faire le rappel. Ça ne veut pas dire ne pas faire le rappel, mais choisir le bon moment pour le faire. Fait tadkir la budda minhu, walakinahu yanbar ikhtiyar al-waqt al-munasib li kulli shay. Et donc le rappel, il est impératif de le faire, il est obligatoire de faire le rappel, mais il est important de choisir le bon moment pour chaque chose. Akhraj al-Bukhari wa Muslim في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لو أن قومك حديثوا عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين بابا شرقيا وبابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حيث بنت الكعبة Al-Bukhari et Muslim ont cité dans leur recueil selon Aïcha radiallahu anha que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Oh Aïcha, si ton peuple ne venait pas juste de se convertir, ne venait pas juste de délaisser le polythéisme, j'aurais démoli la Kaaba et je l'aurais mise au niveau du sol et je lui aurais placé deux portes, une porte est et ouest. Et j'aurais rajouté, donc, et j'aurais rajouté six coudées. Et j'aurais rajouté six coudées du hijr. Al-hijr, donc c'est la partie qu'on voit, donc autour, qui est à extérieur à la Kaaba. À la base, elle fait partie de la Kaaba. Mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique, cependant Quraysh, lorsqu'ils ont rebâti la Kaaba, ils l'ont raccourci. Ils l'ont raccourci. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ici, donc, que il voulait remettre la Kaaba correctement, comme elle a été faite. Cependant, il n'est pas convenable de le faire maintenant. Pourquoi ? Parce que Quraysh, ils viennent de délaisser le polythéisme. C'est pas maintenant, ils sont trop accrochés à la Kaaba comme cela. C'est pas le bon moment. Et donc, il nous montre qu'ici, sallallahu alayhi wa sallam, il nous éduque, il nous montre qu'il faut choisir le bon moment. Il faut choisir le bon moment pour les choses. Et c'est là qu'on voit dans la législation le fait que les ordres et les interdictions sont venus petit à petit. Sont venus petit à petit. Et d'ailleurs, on voit cela et on le verra dimanche, inshallah ta'ala, lorsqu'on abordera le sujet donc de la da'wah des gens du livre. Il y a aussi un point important, lorsqu'on dit chaque chose en son temps, et de faire les choses doucement, sans précipitation, même la da'wah, même dans le fait d'enseigner aux gens la vérité et de leur mettre en garde contre le faux, il faut faire les choses sans précipitation et attendre le bon moment pour leur expliquer. Allah tabaraka wa ta'ala qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors qu'il est capable de le faire en moins d'une seconde. Les savants, ils nous disent, mahiya al-hikmatu fi dhalik, quelle est la sagesse en cela ? Le fait d'enseigner à ces créatures que les choses doivent être faites sans précipitation. Allah, il est capable de créer des cieux et la terre en moins d'une seconde. Kun fayakun. Mais il l'a fait en 6 jours. Il nous enseigne, nous montre que les choses doivent être faites sans précipitation. Et donc ça c'est important. Barakallahu fikum. On arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala. Wafakallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardah. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا.